c'est moi qui t'envoie. Restez vigilants, les gars. Il y a de fortes chances que la zone soit quadrillée par une armada de schmitts en civil. Roulez sans vous arrêter. Je suis Kobaladé.